One Qibla présente Comprendre le Coran. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd, frères et sœurs en islam. Encore une fois, on continue avec le tafsir de Sourate An-Najm à partir de la ayah numéro 11. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Ma kathaba al-fu'adu ma ra'a » Ma kathaba, ma négation. Non, non, non, il n'a pas. Al-fu'ad, al-fu'ad c'est al-qalb, c'est le cœur. Il y a beaucoup de choses dans la langue arabe qui ont plusieurs noms, qui possèdent plusieurs noms dans la langue arabe. C'est une langue qui est très très riche. La même chose peut avoir 2, 3, 4, 10 noms, voire certaines choses ont des dizaines de noms chez les arabes qui connaissent bien la langue. Donc le cœur, ça s'appelle al-qalb, comme on le connaît tous, mais aussi ça s'appelle al-fu'ad. Pourquoi ça s'appelle fu'ad? Il dit « Summiya bidhalika li hararatihi » Ou litawaqqudihi, c'est à cause de la chaleur qui est dans le cœur, la flamme qui est dans le cœur. Le cœur, c'est quelque chose de vif, c'est quelque chose de chaud, et c'est quelque chose aussi qui a des émotions, c'est quelque chose qui a une flamme à l'intérieur, parce qu'ils disent ici aslu fa'ada, la racine de fa'ada, ces trois lettres là, yadullu ala humma wa shiddati hararatin, c'est quelque chose qui fait référence à une chaleur très forte chaleur. Donc, Allah Azza wa Jal, il nous dit « ma kathaba » et dans notre qira'a « ma kathaba ». Il y a deux qira'at ici, tout à fait valides de cette surah, dépendamment de c'est quelle qira'a qu'on est en train de lire avec. Donc, dans une qira'a, ça dit « ma kathaba al-fu'adu ma ra'a ». Dans l'autre qira'a, ça dit « ma kathaba al-fu'adu ma ra'a ». « Kathaba fi'lun muta'addin ». Si on ajoute, remarquez, même pour les gens qui connaissent pas l'arabe, ok, mais juste remarquez la différence que ça fait. Si dans la shadda sur la langue V, sur la lettre V, il y a kazaba et il y a quoi? Kazaba. La première, elle est lourde, la deuxième lettre. Kazaba. On va ajouter la fameuse shadda ici. C'est comme la shadda veut dire que la lettre, on va la doubler. C'est clair. La shadda veut dire que la lettre V, c'est comme si on va écrire K. Mais dans la langue arabe, on ne met pas ça. On ne va pas doubler la lettre, on va tout simplement mettre la shadda. Donc, ma kazaba. Kazaba, ça vient de kazib. C'est quoi kazib? Mensonge. Ok? Donc, kazaba, on appelle ça fi'l muta'addin. Fi'l muta'addin, c'est un verbe qui va toucher à autrui. Ça va impliquer une personne tierce, une autre partie. Kazabahu, il l'a traité de menteur. Tu me dis quelque chose, kazabtuka, je te traite de menteur. Ça c'est fi'l muta'addi. Kazaba, j'ai menti. Kazaba, il a menti. C'est clair. Donc là, il y a deux qira'at tout à fait valides, mutawatirat. La première qira'a ici, ma kazab al-fu'adu ma ra'a. أي أن فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم لم يكذب الذي رأى ولم يشك فيه ولم ينكره. Ça nous parle de le fouad, le cœur, et ça nous parle de ce qu'il a vu. Ma ra'a, ce qu'il a vu. Ça veut dire ici que le cœur du prophète صلى الله عليه وسلم n'a pas remis en question, n'a pas renié ce que lui, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a vu. Vous connaissez l'expression « je n'arrive pas à croire ce que je viens de voir devant moi ». Ça veut dire que je suis en train de voir quelque chose, mais tellement c'est choquant pour moi, mon cœur il est en train de remettre en question ce que j'ai vu. Est-ce que c'est vraiment ça ce que j'ai vu? Est-ce que je me suis trompé? Okay. Parfois quelque chose est trop fort que des gens, peut-être c'est illusion, peut-être c'est un rêve. Alors imaginez le prophète Mohammed qui a vu Jibril alayhi salam. Allah Ta'ala, ça c'est très très lourd. N'importe qui parmi nous, vu qu'on n'est pas prophète d'Allah Ta'ala, si on a vu ce que le prophète il a vu, on va s'évanouir. Allah Ta'ala rabata ala qalbihi. Allah Ta'ala il a raffermi le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a donné cette force pour que quelqu'un soit un prophète d'Allah Ta'ala, il faut Allah Ta'ala lui donne un cœur très très fort, une âme très très forte pour pouvoir porter ça, les choses de Al-Ghaib, encore une fois, qui dépassent le normal, le naturel auquel nous on est habitués. Ma kazzaba al-fu'ad ma ra'a. Encore une fois, ici, le cœur n'a pas démenti ce que, n'a pas rejeté ce que l'œil a vu. Parfois, l'œil va voir une chose et le cœur va dire non, pour une raison ou pour une autre. Moi, je n'accepte pas ça. C'est clair ? وقراءه ما ك... oui, اخي oui oui tout à fait, ça c'est un point très intéressant, même si c'est pas relié directement ici au à la aya. Les ulama en islam, ils disent al-aql. L'aql, écoutez ça. Encore une fois, complètement différent. Ce qu'on a dans le Coran, complètement différent de ce qu'on nous a toujours appris. Al-aql, la raison, mahalluhu al-qalb. Le Coran nous dit que l'aql, la raison, elle se trouve où? Dans le cœur. C'est le cœur qui raisonne. On nous a toujours appris à l'école qu'il y a le cerveau ici. C'est le cerveau, ça se passe tout dans la tête. On parle ici de raisonner. Raisonner. Aql, raisonner. C'est pas innover, c'est pas penser, trouver des idées. Non, non. On parle de raisonner. L'aql. Ça se revient au cœur. Et une fois, je l'ai dit dans la khutbah de Jumu'ah, ça remonte à quelques années, un frère, il est venu. Après, il m'a dit, subhanallah, je viens de lire un article scientifique cette semaine qui dit que des scientifiques, ils prouvent que eh bien, le cœur, il a une raison, ainsi de suite. Et il m'a envoyé le lien. J'ai plus le lien, mais probablement que je peux le trouver. Ok, mais encore une fois, on n'a pas besoin de scientifiques. Allah Ta'ala, c'est lui qui nous a dit ça. Donc, al-aql, mahalluhu, al-qalb. C'est le cœur qui raisonne. Le cœur, il a un esprit, il a capacité de raisonner. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a mis très clairement que le qalb ici, c'est lui le roi de tout, de toute la personne. C'est lui qui dirige tout. C'est le cœur. Wada? Comment, de quelle façon et tout, ça dépasse notre compréhension. C'est Allah Azza wa Jalla, c'est une dimension à laquelle on n'a pas accès. C'est pas la science, c'est pas dans un laboratoire qu'on peut étudier l'âme et le cœur et le raisonnement de l'âme, ainsi de suite. Ça, c'est quelque chose qui relie à l'âme, au spirituel. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا إلا قليلا. L'autre qira'a ici, ما كذب فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم فيما رأى بعينه فقد رأى الحق وقيل ما كذب فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم محمدا الذي رأى ولكنه صدق. Ici, ما كذب, le cœur n'a pas menti. Ça veut dire, le cœur n'a pas menti à صاحبه, à son porteur, qui est le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Ce qu'il a vu, il a dit la vérité. Encore une fois, le cœur peut jouer des tours, même à son porteur, même à la même personne, peut lui mentir, peut lui donner des informations faussées et ainsi de suite. Qu'est-ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a vu? Imam Ibn al-Jawzi ici, il dit, « Alladhi ra'ahu qawlan » dans cette ayah ici, « Haduhuma annahu ra'a rabbahu azza wa jalla qalahu ibn Abbas wa Anas wa al-Hassan wa Ikrima » Que le cœur, il a vu Allah subhanahu wa ta'ala. Concentrez-vous bien sur cette question, elle est importante. Première opinion ici, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Allah azza wa jalla. Et de ce fait, le cœur n'a pas menti ce qu'il a vu. Ma kadhab al-fu'ad ou ma ra'a. Est-ce que le cœur peut voir, selon cette deuxième qira'a ici? Donc là, on a dit la première qira'a, le cœur n'a pas rejeté ce que il a vu. Ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec ses yeux. Ma kadhab. La deuxième, le cœur n'a pas menti sur ce qu'il a vu. Ce que le cœur peut voir. Oui. Comment s'appelle la vision du cœur? La clairvoyance, c'est traduit comme ça, mais pour être plus précis en arabe, on appelle ça la basira. Ok, donc on a al-basar, on a la basira. Alors regardez, qu'est-ce qu'on a ici? Al-basar, basar c'est la Vu. Basar. Comment tu vois? Je vois très très bien. Oh, j'ai besoin de lunettes, ça. Basar. Et on a al-basira. Ça, encore une fois, en français, habituellement, ils traduisent ça comme la clairvoyance. Al-basira, c'est lorsque c'est le cœur qui voit. Le cœur peut voir des choses dans la vie. Si le cœur, il est net, s'il est propre, si c'est flou, si c'est sale, pire encore, si c'est enveloppé, c'est certain que le cœur ne peut pas voir. Parce que même les yeux ici, si on va juste te mettre comme ça, un tissu pour te couvrir les yeux, des lunettes complètement sombres à 100%, du brouillard, tu vas pouvoir voir. Parce que là, c'est scellé, c'est fermé. Le cœur, s'il est net, s'il est propre, le plus qu'il est propre, le plus qu'il va avoir, cette basira. C'est pour ça qu'entre le croyant qui peut voir des choses avec sa basira et entre le kafir qui ne voit rien du tout, il y a une grande différence. Et le kafir dit, mais je ne vois pas. Comment tu prouves ça? Tu peux me montrer ça? Comment tu vois pas ça? Ça c'est net, c'est devant toi. Regarde où est-ce qu'on s'en va, on s'en va. Mais lui, vraiment, il ne voit pas ça. Parce que s'il ne voit pas la scène devant lui qui se passe live, en direct, il ne peut pas comprendre comment toi, tu peux voir. Donc ça, c'est al-basira. Basira, ça vient, c'est un don d'Allah Azza wa Jalla qui vient avec la foi et avec la connaissance. Al-iman wa al-ilm. Oui, akhi. Oui, c'est ça ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, c'est ça. Donc, le cœur, il résonne. Le cœur, il résonne. Il a une raison. Ça, c'est dans le Coran, le Karim. Oui, Akhi. Ça veut dire que le Coran est plus responsable des émotions que le cœur de la raison. Parce qu'on entend souvent le Coran. Oui. Le Coran, c'est plus pour le péché à appeler à l'homme. Ça, je ne sais pas. Allahu a'lam. Ça, je ne peux pas te répondre. Wadih ? Donc, ça, c'est al-basira. Donc le concept de al-basira ici, il est très très important. Il est très important de toujours garder en tête, encore une fois, que l'être humain, ce n'est pas juste physique, ce n'est pas juste ce qu'on peut voir comme ça, encore une fois, ce qu'on peut étudier. Il y a d'autres choses qu'on ne peut pas voir, mais qui existent quand même et qui font partie de ça. Et regardez, même en psychologie de nos jours, eh bien, ils sont arrivés à prouver que grande partie des bonnes décisions de l'être humain, des décisions fondées de l'être humain, eh bien, c'est des décisions qui sont fondées sur l'intuition. C'est quoi l'intuition? Le feeling. Ouais, on peut donner comme ça, lancer plusieurs définitions, mais on ne pourra jamais définir exactement c'est quoi l'intuition. C'est quelque chose d'abstrait, ok? Et ça, c'est quelque chose qui est enseigné de nos jours. En psychologie, même dans le domaine de la gestion et tout, on parle de prise de décision basée sur l'intuition. Que ce n'est pas toujours du calcul 1, 2, 3 égale, fais des formules, ça va te faire sortir, tu fais MBA, tu vas savoir faire des formules comme ça pour prendre des bonnes décisions. Non, on va te dire que les décideurs qui s'y connaissent bien, très souvent, ils se basent sur leur intuition. Donc l'intuition, c'est pas juste quelque chose, encore une fois, qui est fondé sur des calculs. Et l'autre, donc, on a dit annahu ra'a rabbahu 'azza wa jalla, que Ibn al-Jawzi dit que ma kadhaba al-fu'adu ma ra'a, le cœur a vu Allah subhanahu wa ta'ala, ou que excusez-moi, je vais retirer ça, le cœur, je vais la laisser pour après ça. Je veux dire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Allah azza wa jalla. La deuxième opinion, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça parle de lorsqu'il a vu Jibril alayhi wa sallam sous sa vraie forme, c'est clair. Donc là encore une fois, ces ayats parlent d'Allah azza wa jalla et de Jibril alayhi wa sallam et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a certaines ayats qui font référence à Jibril alayhi wa sallam, d'autres ayats qui font référence à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Ibn Atiyah, il dit que l'opinion de la majorité des savants, c'est la deuxième. La deuxième, ça veut dire que ça parle de Jibril, alayhi salam. que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Jibril alayhi as-salam. Là, la question, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est importante, et je vous demande de vous concentrer juste un peu, incha'Allah. Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Allah azza wa jalla? Donc là, ça c'est une question qu'on trouve dans les livres de Aqida, dans les livres de Hadith, ainsi de suite. Les ulama, ils parlent de ça. Pourquoi? Parce que, à la base, la règle qu'on connaît, c'est que personne ne voit Allah azza wa jalla dans ad-dunya. Les croyants, ils vont voir Allah azza wa jalla dans la akhirah. Même Moussa alayhi salam, noble prophète d'Allah qui est le kalim d'Allah azza wa jalla, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, il voulait voir Allah azza wa jalla. Allah ta'ala lui a dit "Lan tarani", tu vas pas me voir. Ça va arriver dans cette vie du bas monde. Mais là les ulama ils disent, est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était une exception? Est-ce qu'il a pu voir Allah subhanahu wa ta'ala? Alors ici il dit: قال ابن عباس رأى محمد ربه بفؤاده ولم يره بعينه. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Allah ta'ala avec son cœur, mais il n'a pas vu Allah azza wa jalla avec ses yeux. رؤيه قلب وليست رؤيه بصر. Oui. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Allah azza wa jalla, mais par son cœur, pas par ses yeux. ويكون ذلك على أن الله تعالى جعل بصره في فؤاده أو خلق لفؤاده بصرا حتى رأى ربه رؤية غير كاذبة كما ترى بالعين. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam une certaine vision du cœur encore plus élaborée, pas comme la nôtre, qui lui a permis de voir Allah azza wa jalla, mais par son cœur et pas par ses yeux, parce que personne ne voit Allah ta'ala dans la dunya par les yeux comme ça. Ru'ya aynin. Wa madhhabu jama'atin min al-mufassirin annahu ra'ahu bi'aynihi. Et l'opinion de d'autres savants de tafsir, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Allah ta'ala par ses yeux. Donc ça c'est la deuxième opinion. Il dit ici wa kana, jusqu'au point que Al-Hasan al-Basri kana yahlifu billah laqad ra'a Muhammadun rabbahu. Il jurait par Allah Ta'ala que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a vu son Seigneur subhanahu wa ta'ala. فكل هؤلاء اثبتوا رؤيه صحيحه اما بالعين واما بالفؤاد واما بالفؤاد. En gros, ensemble, plusieurs de ces grands savants, incluant plusieurs des grands compagnons, ils ont affirmé que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a vu son Seigneur. Après ça, est-ce qu'il a vu par le cœur ou par les yeux, c'est une autre question. Mais maintenant, si on va aller plus dans la critique de ses opinions. Parce qu'encore une fois, pour prétendre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Allah azza wa jalla par ses yeux, c'est quelque chose de grand. Quelque chose de très très grand. C'est pas quelque chose facile comme ça, juste on va prétendre, on va dire, ouais, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Allah azza wa jalla par ses yeux. Encore une fois, la règle, c'est que personne ne peut voir Allah ta'ala dans cette vie du bas monde. Et la deuxième chose, c'est que personne, incluant Moussa alayhi salam, n'ont pas eu ce privilège. Alors, est-ce que vraiment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Allah azza wa jal par ses yeux? Alors, l'opinion de l'muhaqqiqin, les savants critiques comme ça, qui viennent par la suite pour remettre les choses en question et pour bien étudier la chose de façon minutieuse, Imam Ibn Kathir, il dit « Man ruya anhu bil basari, faqad aghraba, fa innahu la yasihu dhalika, fi dhalika shay'un ani sahaba. » Celui qui a rapporté à propos de ça, quelque chose, faqad aghrab. C'est une opinion étrange, il dit, de prétendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah azza wa jal par ses yeux. Il dit l'imam Ibn Kathir, car il n'y a personne parmi les compagnons qu'on a une narration authentique, qu'un compagnon, il a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah azza wa jal par les yeux, par la vision physique. Imam Ibn Taymiyyah, c'est la même chose. Il dit: وَأَمَّا الرُّؤْيَةَ فَالَّذِي ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ بِفُؤَادِهِ مَرَّتَيْنِ. Ça nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique, Ibn Abbas, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Allah azza wa jalla avec son cœur. Et Aïcha ankarat ar-ru'ya. Et Aïcha radiyallahu anha, elle a renié que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ait vu son Seigneur. Alors il dit ici, comment mettre les deux ensemble? C'est que, regardez, On a Aïcha radiallahu anha. Bien sûr, Aïcha radiallahu anha, elle est parmi les savantes de Sahaba, il n'y a aucun doute. C'est l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu son Seigneur. Man idda'a bi anna Muhammadan qad ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allahi al-firyata. Non. Ibn Abbas, qu'est-ce qu'il dit? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Allah azza wa jalla mais avec son cœur. Oui, mais avec le cœur. Il y a des savants après ça, comme certains tabirines, qui disent « Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Allah azza wa jal avec les yeux. » Alors, les savants muhaqqiqines comme Ibn Taymiyyah, qui viennent pour faire la somme de tout ça et pour étudier tout ça plus de façon minutieuse, pour faire un certain tawfir et surtout pour mettre de l'emphase sur ce que les compagnons ils ont dit. Parce que ça, c'est une question critique de la aqida. Pas une question légère. Alors ici, on peut dire Aïcha radiallahu anha, quand elle a dit non, ce qu'elle a probablement rejeté, c'est quoi? Les yeux. Celui qui prétend que Allah Ta'ala, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah azza wa jalla, ça veut dire avec ses yeux, il est complètement faux. C'est clair? Donc non. Ibn Abbas, il vient pour nous confirmer la même chose, lui, radiyallahu anhum. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah azza wa jalla avec son cœur. Ceux qui sont venus après, eh bien, ceux qui ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah azza wa jalla avec ses yeux, eh bien, ils ont tout simplement mal interprété ce que les certains des sahaba, ils ont dit. C'est clair. Ils ont trouvé des sahaba, ils ont dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah azza wa jalla. Ah, ils ont assumé que c'était avec les yeux. C'est clair. C'est pour ça que ici l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala wala fil kitab wa sunnah ma yadullu ala dhalik bal in nusus as-sahihah ala nafihi adall. Yani dans le Coran et dans la sunnah, texte très clair que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah azza wa jalla avec ses yeux. Donc une chose comme ça, si importante, si grande que ça, on peut pas juste faire une théorie comme ça et dire probablement que c'est arrivé. OK, il y a pas de dalil, bien au contraire, ça va contre la règle générale qui dit que personne ne voit Allah subhanahu wa ta'ala dans al-hayat ad-dunya. وقال الكرماني يحتمل أن المرئي ما فسره الله تعالى بقوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى ولهذا قال ما رأى ولم يقل من رأى. Donc ما كذب الفؤاد ما رأى. Le فؤاد ici, il n'a pas rejeté, il n'a pas renié ce qu'il a vu. Si quelqu'un il dit ah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah azza wa jalla, il dit s'il y a une troisième opinion. Donc on a dit qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu? Quelles étaient les deux opinions? Soit ça parle de Jibril alayhi salam, ou ça parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou il y a troisième opinion ici, l'opinion de l'Kirmani, qui dit que c'est encore plus large. Ce qui est voulu, c'est ce qui va venir après. Toutes les choses merveilleuses, toutes les merveilles que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a vues lors de l'Isra, lors de Al-Mi'raj, lors de l'Ascension. Pourquoi il dit ça? Parce que ici Allah azza wa jalla, il dit ma kadhaba al-fu'adu ma ra'a. C'est quoi la différence entre ma ra'a et entre man ra'a? Barakallahu fik, très bien. Il a vu qui et il a vu quoi? Différence entre les deux choses. Ma ra'a, ce qu'il a vu. Ça peut inclure des objets. Ma ya'qilu wa ma la ya'qil. Ici, Allah Azza wa Jal n'a pas dit man ra'a. Si c'était ma kadhab al-fu'ad ou man ra'a, ça parle seulement des êtres, comme Jibril alayhi salam. Mais Allah Ta'ala, non, il dit ma ra'a. Ça veut dire, ça englobe même des choses, des objets, des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne sont pas nécessairement des êtres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, et son cœur n'a pas menti ou n'a pas traité de menteur. Et c'est pour ça, il dit ici l'imam, rappelez-vous, Tahir ibn Ashur, le grand savant de la Tunisie, comme on a dit, il dit « Al-adharu anna hadha رد لتكذيب من المشركين فيما بلغهم من الخبر عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الملك جبريل، وهو الذي يؤذن به قوله بعد ذلك أفتمارونه على ما يرى. Il dit parce que regardez, après ça Allah subhanahu wa ta'ala il nous mentionne, ça va venir la ayah juste après, Allah azza wa jalla il nous mentionne que ces mushrikin là ils débattaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de ce qu'il a vu. Ils essayaient de le traiter de menteur, de se moquer de lui. Rappelez-vous, dans l'autre fois, on a parlé de Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, vous vous rappelez bien, quand on a dit que les mouchriquins sont venus pour dire, est-ce que toi tu crois ce que ton ami il est en train de dire? Il prétend qu'il est monté vers le ciel et il a vu telle chose, telle autre chose, ok? Mais ce n'est pas dans les narrations de As-Sira que les mouchriquins, ils se sont moqués du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en disant, toi tu prétends que tu as vu Allah? Voyez-vous? Si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait dit aux mouchriquins qu'il a vu Allah Azza wa Jal, ils vont tout mettre de côté. Ils vont se concentrer juste sur ça. Toi, tu as vu Allah Ta'ala. Oh là, ils vont se moquer de lui. Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas dit ça. Il leur a dit qu'il a vu Jibril alayhi salam, il a vu Sidrat al-Muntaha, il a vu. Et c'est de ça que le débat se tenait à propos de ça. C'est clair. C'est pour ça, encore une fois, Tahir ibn Ashur, il dit que ça confirme que cette ayah ne parle pas de « il a vu Allah Azza wa Jal ». Parce qu'elle parle ici de quelque chose que les mouchriquins ont renié par la suite. Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de les réfuter, de leur répondre. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Oui, c'est ça. Toutes les ayats. Ça va venir juste après, Inch'Allah. Tu vas voir. Je pense que c'est la ayat numéro 13 qui va venir confirmer ça. Alors Allah Azza wa Jal, il dit subhanahu wa ta'ala dans la ayat numéro 12 « Afatumarunahu ala ma yara »« Afatumarunahu ala ma yara »« Afatumarunahu » Ça, c'est un style dans la langue arabe qu'on appelle ici « istifhamun inkari ». Istifham, c'est l'interrogation. Ici, il y a une question dans cette ayah. Mais l'interrogation ici, elle est pour le « inkar », pour te blâmer. C'est ça ce que tu fais ici? Tu arrives à 7 heures? Là, je ne t'ai pas demandé la question pour que tu me dises « oui, j'arrive à 7 heures ». Et si c'est une question, interrogation pour blâmer. Ça veut dire, c'est inconcevable, inacceptable que tu arrives à cette heure-là. Trop en retard. Afatumarunahu, ay afatujadilunahu, walimtira'u walmumaratu almuhajjatu fima fihi miryatun, ay taraddudun, wa asluhu maryun yadullu ala salabatin fi shay, lianna almira'a kalamun fihi ba'du ashidda. Donc, Afatumarunahu, ça vient de Al-Mira. C'est quoi Al-Mira? Al-Mira, c'est lorsqu'on est en train de débattre, mais avec une contestation. Okay? On conteste ce que tu dis. Moi, je vais dire quelque chose. Imaginez, si je suis en train de vous parler maintenant, chaque fois que je dis quelque chose, l'un de vous, il va m'interrompre. Il m'a dit, non, ce que tu dis, ça, c'est... Je ne suis pas d'accord avec toi. Quelle est ta preuve pour ça? Et d'où est-ce que tu as amené ça? Et moi, j'essaie de parler, l'autre, il me coupe. Il me dit, non. On appelle ça quoi? Al-Mira. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a défendu de faire Al-Mira. Il nous a encouragé à délaisser Al-Mira. Parce que Al-Mira, c'est un débat derrière lequel il n'y a pas d'intentions qui sont nobles. C'est différent de Al-Jidal wa jadilhum billati hiya ahsan. Al-Mira, c'est pas une bonne chose. Al-Mira, Salaf, il disait que Al-Khusumat ou Al-Mira, c'est parmi les choses qui font durcir le cœur. C'est parmi les portes de Al-Bida', des innovations dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ainsi de suite. Parce que Al-Mira, tout le monde juste cherche à gagner, tout le monde. Donc les mouchriquins, ils ne venaient pas chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour lui demander des questions, pour s'instruire, pour qu'ils apprennent, pour avoir des éclaircissements, pour analyser ce qu'il dit, est-ce que c'est vrai ou non. Non, ils venaient chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour faire le Mira avec lui. Le débat, mais un débat avec une forme de contestation. Même qu'ils disent que Al-Mira dans la langue arabe, kalamun fihi ba'du shidda. Le mot mira dans la langue arabe, ça réfère à un peu de méchanceté habituellement. Lorsque tu vas faire le mira, tu es méchant. Tu n'es pas respectueux envers l'autre et ainsi de suite. Ça, c'est le mot ici, Al-Mira. Alors, c'est Al-Muhajja. C'est d'amener Moi, je vais t'amener une preuve meilleure et un argument, contre-argument. On va faire la guerre ici, la guerre des idées. C'est clair. On appelle ça Al-Mira. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur dit « Afatumarunahu ala ma yara » et dans l'autre qira'a « Afatamrunahu ay afatajhadunahu » Vous rejetez. Mais si on revient à la première, qui est celle qui est la plus connue, même si l'imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, il dit « Al-ma'nayani mutadakhilan » Ça va ensemble. Soit Al-Mira, ici, vous débattez avec lui, vous contestez, ou vous rejetez tajhaduna, les deux ça vient, ça réfère à la même chose. Parce que lorsque tu vas débattre, contester les paroles de quelqu'un, ça veut dire que tu rejettes ce que cette personne-là est en train de dire. Ya kuffar Quraysh, tujadiluna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam, ala ma akhbarakum annahu ra'ahu laylat al-Isra. Regardez ici, ça nous arrive à tous dans la vie. Imaginez maintenant ce que c'est arrivé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la personne la plus véridique. Je vois quelque chose. Je viens pour informer les gens de cette chose. Les gens me disent, qu'est-ce que tu dis toi? Qu'est-ce que tu racontes du n'importe quoi? Ya akhi, je te dis ce que j'ai vu avec mes yeux. Non, non, qu'est-ce que tu dis? C'est grave ce que tu dis. On commence à t'attaquer, on commence à t'insulter, à se moquer de toi. Qu'est-ce que tu veux que je traite de menteur ce que j'ai vu avec mes yeux? Afatumarunahu ala ma yara. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu des choses auprès d'Allah azza wa jalla lors de cette nuit-là de Al-Isra et de Al-Mi'raj. Il vient pour en parler aux gens et les gens, ils veulent le forcer à dire, à renier ça. Comme afatumarunahu ala ma yara, il a vu ça. Ça, c'est pas des idées. Il y a une différence entre les idées. Tu peux débattre avec quelqu'un sur ses idées, ses opinions personnelles. Ça, c'est des faits. Ce qu'il a vu. C'est clair. C'est pour ça la règle dans la langue arabe, pas dans la langue arabe, mais chez les savants de l'islam, une très, très belle règle, toujours à retenir en tête, ça, vous devez l'écrire. On dit « Man alima hujjatun ala man lam ya'lam » Celui qui sait est une preuve. Il a priorité, il prime sur celui qui ne sait pas. « Wal muthbitu muqaddamun ala an-nafi » Celui qui affirme, il prime toujours sur celui qui infirme. Ça, c'est, bien sûr, il y a des situations d'exception, là, autre chose. Il y a deux personnes qui sont en conflit, là, c'est autre chose. C'est un conflit à traiter entre deux personnes, c'est normal. Toujours quelqu'un, comme on a dit un peu plus tôt, l'exemple dans lequel, moi, je dis, je lui ai prêté 100 000 dollars. Il dit, je n'ai jamais reçu. Ça, la règle, c'est pas celui qui affirme qui prime sur celui qui infirme. C'est clair, parce que là, tout le monde peut prétendre quelque chose et va dire, c'est moi qui affirme. C'est pas ça le sens de la... Là, on est dans Shija, on a un conflit. On est les parties qui sont impliquées. Mais si on parle de témoins, on revient au même exemple. Le dernier cours, je t'ai donné, Akhi, 10 000 dollars cash. Tu dis, non, c'est pas vrai. Il y a lui maintenant qui va parler, dit, oui, oui, moi j'ai vu. J'ai vu quand il t'a donné 10 000 dollars et tu as accepté ça. Peut-être tu as oublié, mais je l'ai vu. L'autre frère dit « Oui, moi aussi je l'ai vu, j'étais juste derrière. » Donc là, il y a deux témoins. Lui, il va prendre la parole, il va dire « Moi, j'ai rien vu. » Quel est l'impact maintenant du fait que lui, il a dit « Moi, j'ai rien vu. » Ok. Il n'a rien vu, il n'a rien vu. Pas nécessaire que tout le monde voit. Donc « Man alima hujjatun ala man lam ya'lam » Celui qui sait, eh bien, il prime sur celui qui ne... C'est pas al-muthbit muqaddamun ala an-nafi, celui qui affirme prime sur celui qui infirme. Et c'est ça le truc que les gens comprennent pas. Encore une fois, quand les gens veulent suivre leur hawa, les gens ne veulent pas suivre nécessairement toujours la vérité, surtout de nos jours. C'est que akhi, si toi tu es aveugle, tu peux pas voir. Pourquoi tu veux me forcer moi à ne pas voir ce que j'ai vu? Tu veux m'enlever ce privilège? Si quelqu'un il a vu quelque chose, il a vu quelque chose que quelqu'un d'autre n'a pas encore vu. Celui qui n'a pas vu ne peut pas forcer. C'est pas parce que quelqu'un est aveugle que il va empêcher les autres de voir. Donc bien sûr, être aveugle physiquement, c'est pas ça le aïb, c'est pas ça la faille. Mais la faille, c'est être aveugle dans le cœur ou dans la connaissance. C'est ça le problème. Mais si on prend ici l'analogie encore une fois la plus claire. Quelqu'un qui est aveugle ou quelqu'un qui a un regard qui est très faible. Regardez, quelqu'un qui a une vision qui est très faible. Il a toujours besoin de lunettes et même avec les lunettes, il peut à peine voir ce qui est loin là-bas. Et l'autre, il voit très très bien, très très clairement. Il y a un qui dit, je vois là-bas une chose, là-bas. Quelque chose de... Ça c'est grave ce qui se déroule là-bas. Et l'autre, il ne voit pas très bien, il a une vision très très faible. Et il le sait, il est conscient de ça. Moi, je ne vois rien du tout. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Arrête de dire du n'importe quoi. Mais respecte-toi, connais tes limites. Tu connais c'est quoi tes limites. C'est caricatural, c'est étrange, mais ce que les gens ils font de nos jours. Il y a quelqu'un qui est savant, il a la science, il a passé sa vie à étudier le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il dit non, ce que je vois, ça c'est... Il y a quelqu'un d'autre qui est ignorant, il le sait très bien qu'il est ignorant, mais qu'est-ce que tu dis toi? Tu vas trop loin, tu te regardes trop trop loin. C'est normal, il regarde trop loin, il peut voir mieux que toi, c'est normal, c'est quelque chose de normal, c'est clair. C'est pour ça les ulama, ils disent « Inna al-fitnata idha aqbalat » Lorsque les fitan, c'est les grands problèmes, situations à confusion, les grands problèmes majeurs où tout se mêle, ainsi de suite. « Ra'ah al-alim » Celui qui va la voir, c'est qui? C'est le savant. فَإِذَا أَدْبَرَتْ رَأَهَا كُلُّ أَحَدْ Mais une fois qu'elle va arriver et passer, tout le monde va la voir. Parce que maintenant, elle fait quoi? Elle est juste devant notre visage ou elle nous a déjà frappé et elle fait partie de l'histoire. Maintenant, tout le monde la sait. Tout le monde la connaît. Et le problème avec les gens, lorsque les gens ne cherchent pas la vérité, ils n'acceptent pas la nasiha, vous savez c'est quoi le problème? Toujours la même problématique à gérer. Dans des temps de fitna comme ça et de confusion et ainsi de suite. Lorsque la fitna, elle est loin, elle n'est pas encore arrivée. Si quelqu'un veut dire aux gens, regardez, la fitna, elle arrive à grande vitesse. Les gens, ils disent, toi, tu es fou. Toi, tu es fou, tu es paranoïaque, tu es je ne sais pas quoi. Garde silence. Lorsque la fitna, elle est là, présente, et que ce même alim, pour donner nasiha, il va en parler. Les gens ils vont dire, c'est pas le moment. On a assez de problèmes. Qu'est-ce que tu veux, toi? Khalas, on sait, elle est là, mais est-ce que tu as une solution à ça? Mais garde silence. Une fois que la fitna, elle part, si le alim il va en parler, ouais, mais ça c'est trop tard, ça fait partie de l'histoire, tout le monde sait ça. Pourquoi tu parles de ça? C'est trop tard. Fallait nous dire avant. Maintenant, tout le monde le sait. C'est clair. Donc ça, c'est comme il a dit un prophète à son peuple, وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ Lorsqu'un peuple n'aime pas ceux qui donnent la nasiha, ceux qui amènent la nasiha, ce ne sont pas les bienvenus. Ça, ce n'est pas Bushra Khair, ce n'est pas un bon indicateur. Allah Ta'ala, il dit dans Sourate Al-Isra, سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا Première ayah ici dans Sourate Al-Isra, surah sur voyage nocturne, que Allah Ta'ala, il a accordé ce voyage nocturne à son messager, à son serviteur plutôt, la nuit, du Masjid Haram Mecca vers Jérusalem Masjid Al-Aqsa alladhi barakna hawlahu. Allah Ta'ala il dit que Allah Ta'ala met la baraka dans toute la terre qui entoure ce Masjid Al-Aqsa linuriyahu min ayatina afin qu'on puisse lui montrer de nos signes, des signes d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Il a vu des signes d'Allah Azza wa Jalla, le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Aussi afatumarunahu ala ma yara. Remarquez bien ici, encore une fois, la richesse, la beauté de la langue arabe, surtout dans le Coran. Afatumarunahu, on peut dire afatumarunahu fi ma yara, si tu parles, si ce n'était pas le Coran, quelqu'un va me dire afatumarini fi ma ara. Tu veux débattre avec moi dans. Mais ici, ça ne dit pas fi, ça dit ala ma ara. C'est quoi la différence entre fi et entre ala? Dans et sur. Donc, dans c'est à propos. Fi c'est dans, à propos d'eux. Pourquoi tu veux débattre avec lui à propos de quelque chose qu'il a vu? Ala, c'est sûr. Ça, il y a le sens ici de la supériorité. Isti'la, de vouloir écraser, de vouloir quoi? Étouffer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de leur dire. Afatumarunahu ala ma yara. C'est ça ce qu'ils vont. Yuridun al-ghalaba. Ay hab. كم غالبتموه على عبادتكم الآلهة وعلى الإعراض عن سماع القرآن ونحو ذلك فتغلبونه على ما يرى ببصره. Ça veut dire, ok, si vous allez avoir le dessus et que vous allez quand même adorer vos différentes divinités et faire le shirk et faire est-ce que, ok, ça vous pouvez décider si vous avez le dessus. Il y a des peuples qui étaient forts et Allah Ta'ala, il les a comme ça éprouvés par la force et même leurs prophètes n'ont pas réussi à les ramener vers le droit chemin. Donc, mais est-ce que tu peux forcer quelqu'un à renier ce qu'il a vu? Tu peux faire ça? Forcer quelqu'un à renier ce qu'il a vu? Non. Tu peux forcer quelqu'un à te laisser faire ce que tu fais, même si tu as tort. Tu peux le forcer, par la force. Tu vas le vaincre. Est-ce que tu peux forcer quelqu'un à renier ce qu'il a vu? Ça n'a aucun sens. Ala ma yara. Maintenant, yara. J'ai dit jusqu'à maintenant ce qu'il a vu. Maintenant, pour corriger, pour être plus précis, ce qu'il voit. Parce que ce qu'il a vu, alama ra'a, ce qu'il a vu. Ici, Allah Ta'ala, il parle dans, comment on appelle ça, al-mudari', le présent. Vous faites le mira, le débat avec lui, à propos de ce qu'il voit, c'est quelque chose qu'il voit encore. Soit ici que le sens, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il voit encore des signes d'Allah Azza wa Jalla jusqu'à maintenant. Il est encore prophète d'Allah, il reçoit encore Jibril, alayhi salam, et ainsi de suite. Ça, c'est quelque chose, comme on dit, ongoing. Ça continue, c'est présent. Ou le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme il dit ici certains ulama, dalilun ala quwwati istihdari hadha ash-shay. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement il a vu des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à maintenant. Même après le Isra wal Mi'raj, il les voit comme s'ils sont présents devant lui. Tu as vu quelque chose de très très beau qui t'a émerveillé. Tu as encore l'image dans devant toi, tu peux visionner ça. Ou tu as vu au contraire une scène effrayante, apeurante. Comme les gens qui passent par un accident par exemple, un accident très grave. Ça peut les marquer plusieurs fois et ils revoient la même scène. Ils sont en train de la revoir. Ça reste quand même présent pour eux. C'est clair? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est encore en train de voir ça. Alayhi as-salatu wa as-salam. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. Et il l'a vu une autre fois, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est la ayah numéro 13 avec laquelle on va continuer un peu plus tard, inshallah. Sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.